Na tambola kina mokili na moni motolo kola yote o moninga simbanga na loboko to tambola o tikanga ite o Sonite, yangu wanandeko. Emmanuel, sois avec moi.